Installez-vous, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 610. Et autant vous dire, ce soir, on a un moral très très très moyen. Je vous l'expliquerai juste à la fin de cette présentation de la saga. L'album de la semaine, c'est l'album Traveling Wilburys, volume 3, la suite. Et oui, il n'y a pas de volume 2, c'est comme ça. C'est un choix de la part des quatre restants, puisque Roy Orbison est décédé fin 88. Et cet album-là, le volume 3, sort en 1990. On écoutera She's My Baby, Where Were You Last Night, You Took My Breath Away, Inside Out, Wilbury Twist et New Blue Moon. Mais il y aura également du Ringo Starr, du Lennon, du McCartney et des Beatles, forcément. Pour Ringo Starr, ce sera Only You and You Alone sur Goodnight Vienna en 74. Et je vous cache pas, la cover de ce soir, ce sera Only You and You Alone par les Platters, une version totalement différente, mais les deux sont bien, j'aime les deux. John Lennon chantera Look at Me sur Plastic Ono Band en 1970, quant à Paul McCartney, ce sera Call Me Back Again sur Venus et Mars en 1975. Quant aux Beatles, étant donné que sur Bordeaux, on a plutôt de la pluie, je vous ai choisi Here Comes the Sun sur Abbey Road de façon à ce qu'on se réjouisse un petit peu si on peut. Voilà, j'aurais pu choisir Rain, ça aurait été tout à fait approprié, mais c'est mon côté positif. Et puis en plus, j'ai préparé cette émission avant ce soir. Donc, je ne savais pas qu'il pleuvrait ce soir. Bon, je vous retrouve sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis, tout de suite, hein, d'accord ? On se revoit dans quelques instants. Voilà pourquoi je suis triste ce soir, c'est que le QG, le restaurant Twist & Crêpe, le seul restaurant qui nous diffuse en direct ce soir, comme il le faisait le restaurant, tous les mercredis de 20h à 22h, fermera ses portes d'ici quelques semaines. Franchement, c'est à Talence et on est tous très très tristes que ce restaurant ferme parce que un restaurant au thème Beatles, ça n'existait pas. Ça a existé à Talence. On espère que ça réexistera. Mais c'est drôlement, drôlement dommage. Pour leur rendre hommage, je vous ai choisi un titre des Beatles qui est évident. Twist and Shout. You got me going. de 1963, on passe à 1990. She's My Baby, les Traveling Wilburys sur RG. Traveling Wilburys, volume 3, est le deuxième et dernier album des Traveling Wilburys. Il est sorti le 29 octobre 1990 et est dédié, évidemment, à Roy Orbison, décédé peu après la sortie du premier album du groupe. Bien qu'il s'agisse de leur deuxième album, il fut malicieusement intitulé volume 3 par George Harrison. Selon Jeff Lynne, c'est l'idée de George. Il a dit « Amenons la confusion parmi les gens ». Comme la dynamique au sein du groupe avait changé avec la mort de Roy Orbison, les quatre membres restants ont tous adopté de nouveaux pseudonymes de Wilbury. Spike pour George Harrison, Clayton pour Jeff Lynne, Muddy pour Tom Petty et Blue pour Bob Dylan. Avec Harrison et Lynne à nouveau en production, les sessions ont été entreprises au printemps 1990. Une chanson supplémentaire, une reprise de Nobody's Child, a été enregistrée et sortie fin juin 90 en tant que single caritatif au profit de Romanian Angel Appeal d'Olivia Harrison, l'épouse de George. La chanson est également la pièce-titre d'un album de collecte de fonds multi-artistes compilé par les Harrison Nobody's Child Romanian Angel Appeal. Sorti en octobre 90, l'album a été moins bien accueilli que le volume 1 mais a encore reçu une bonne mesure de succès. Aux États-Unis, She's My Baby, que l'on vient d'attendre, avec comme guitariste invité Gary Moore, les enfants, et Inside Out sont devenus des succès radiophoniques. L'album culmine au numéro 14 au Royaume-Uni et au numéro 11 aux États-Unis, où il est certifié par la RIAA. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, on continuera tout à l'heure. Ok, yes, thank you. Ok. Look at me. supposed to be? What am I supposed to be? Look at me. Change in me. je vous l'ai dit en début d'émission, on écoutera le titre original par les Platters au moment de la cover. La chanson suivante, eh bien, c'est Paul McCartney en 1975 sur l'album Venus and Mars qui nous propose de le rappeler. Mais on te rappelle quand tu veux, donne-nous ton numéro, Paul. D'ailleurs, on commencera par t'appeler et après on te rappellera. Eh oui, c'est français comme ça. Paul McCartney sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. Le mercredi soir, entre 20h et 22h, c'est la radio des Beatles. J'espère que vous allez bien. Depuis le début de cette émission, nous avons écouté Twist and Shout des Beatles en 1963. Puis il y a eu, par les Traveling Wilburys, She's My Baby, l'album de la semaine, étant Traveling Wilburys volume 3, sorti en 1990. Ringo Starr nous a chanté Only You and You Alone sur Goodnight Vienna en 74. Lennon, lui, vous a demandé de le regarder, Look at Me, en 1970 sur Plastic Ono Band. Quant à Paul McCartney, il vous a pas demandé de le regarder, il vous a demandé de le rappeler, Call Me Back Again à l'instant sur l'album Venus and Mars en 1975. Avant d'écouter les Beatles et le fameux Here Comes the Sun, je voudrais vous dire que si vous voulez tout savoir sur les Beatles, allez faire un tour du côté de Maca Club. Maca Club, c'est un forum. Et également sur Facebook, il y a un groupe Maca Club. Vous savez qu'il est quand même très orienté sur McCartney, on s'appellerait pas Maca Club autrement, mais on peut évidemment parler des Beatles sans aucun problème. Il y a aussi le site yellowsub.net, un forum pareil à trouver sur le net et un groupe qui grandit de plus en plus sur Facebook où on peut parler de John, Paul, Ringo et George, les Beatles ou séparément sans problème non plus. Mais ça, ce sont deux sites français. Il y a également le troisième site, le site international et en langue anglaise présidé par Lovely Rita. Mais qui donc est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita. Et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. George Harrison au meilleur de sa forme en 1969. Here Comes the Sun sur RIG. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here maintenant, si vous le voulez bien, à l'album de la semaine, l'album Traveling Wilburys, volume 3, sorti en 1990. En comparant les deux albums des Traveling Wilburys, un critique du New York Times écrit en novembre 1990 « Le groupe pop superstar reste proche des racines rock des années 50 et 60, s'inspirant du blues, du doo-wop, du rockabilly et de Buddy Holly. Mais leur deuxième album est plus rapide, plus farfelu, plus léger et plus méchant que le premier. » Rolling Stone a décrit le mélange des styles musicaux des quatre participants comme apparemment sans effort et a dit que l'album montrait qu'ils continuaient à apprécier leur collaboration. Dans les années qui ont suivi le volume 3, il y avait des spéculations sur de nouvelles sorties des Traveling Wilburys. Puisque Harrison était considéré comme le chef de facto du groupe, sa mort en novembre 2001 a mis fin à la possibilité de tout projet futur. Lorsque l'accord de distribution de Harrison avec Warner Bros. A expiré en 1995, la propriété de son catalogue Dark Horse Records et les deux albums des Wilburys est revenue à lui. Et les albums sont épuisés. Le 12 juin 2007, volume 1 et volume 3 ont été réédités par Rhino Records sous le nom de The Traveling Wilburys Collection, accompagné de chansons bonus et d'un DVD. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Et voici Where Were You Last Night sur RIG. cope with this heavy load. Trying to touch and reach you with heart and soul. Huitième prise de cette chanson Give Me Lord, Give Me Love, Give Me Peace on Earth sur l'album à venir pour les 50 ans, 51 en fait si on fait attention, mais ça c'est un coup d'Harrison c'est sûr, de l'album Living in the Material World. Je suis content de vous l'offrir sur RIG, je l'ai déjà et on attend l'album en entier pour vous passer tout ce qu'on pourra avec un son modernisé, un son absolument dément pour ce très bon album de George Harrison. Must we wait another year for the celebration, dear? If we do, we'll hold it here, same time next year. I'll be the same as ever, maybe wearing something else. But nothing changes. Paul McCartney sur RIG dans la saga des Fab Four, une chanson rare, Same Time Next Year, que l'on trouve sur un film qui date de 1978. Est-ce que j'ai ça sur mon conducteur, on appelle ça comme ça. Oui, c'est ça, en 1978. La suite de la saga, c'est tout de suite avec quelque chose que vous connaissez. Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, la reprise, suivi de A Day in the Life. Là, il y a chef-d'œuvre, surtout pour la deuxième chanson. cheer. And though the halls were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall. En tout cas, c'était A Day in the Life sur RIG dans la saga des Fab Four. J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous êtes en plein cœur de la saga des Fab Four numéro 610 avec, pour album de la semaine, The Traveling Wilburys Volume 3 par George Harrison et ses potes. Il est 20h46 sur RIG et ça, c'est la fin que je ne passe jamais. La toute petite anecdote que je peux dire, c'est que du temps du vinyle, habituellement, à la fin du piano, j'arrêtais parce que je supposais que c'était fini. Et puis un jour, j'écoutais ça au casque, et puis j'étais occupé à faire autre chose en même temps. Et est venu ce petit... J'ai sursauté comme jamais, j'avais écouté le vinyle déjà un sacré paquet de fois. Et je n'avais jamais entendu ça parce que j'arrêtais avant. Et bien maintenant, vous savez... Album de la semaine, You Took My Breath Away, les Traveling Wilburys, sur RIG. Don't Et vous savez que quand les Beatles ont été, ont régné sur le monde, on avait dit à George Martin, on garde tout ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent. Du coup, il nous est sorti des années plus tard, en fait même pour le single Free as a Bird en 1995, une version pas piquée des vers de This Boy, qui en principe aurait dû rester dans les oubliettes, mais c'est plutôt sympa de penser qu'un grand groupe peut arriver à se planter. Eh oui, parce qu'il y a des moments où ils disent This Boy, d'autres fois ils disent That Boy. Le reste, c'est sur la chanson que vous allez entendre tout de suite sur RIG. You're right. Get this bloody little mic out of the way. Don't be nervous, John. Enlève I'm not ce nervous. Foutu micro de devant moi. Don't sois pas nerveux. John, je suis pas nerveux. That boy took my love away. But he'll regret it someday. You back again. That boy. What happened? I was thinking of that. That boy. I just went dead loud on one day. Oh, come on. Come on. Come on. Stirrups any minute. Back again. That boy isn't good for you. Though he may want you to, this boy wants you back again. Ça me fait rire moi-même. On recommence ce que je vous ai réservé comme surprise avec un McCartney qui n'est pas souvent, qui est rare, voilà, qu'on peut dire qu'il est rare. C'est extrait des sessions de London Town en 77-78. Voici What a Spout. Je l'ai déjà passé dans la saga. Moi j'aime bien, c'est enjoué, c'est sympa. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Shake. L'album de la semaine revient sur le devant de la scène. L'album, c'est Traveling Wilburys Volume 3, sorti en 1990. Et le titre que je vous propose, c'est Inside Out. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils disent Outside In. Bah oui, c'est le contraire. Twist and shout when you're inside out. Et si nous parlions de la cover, je vous en ai parlé au début, si vous êtes resté attentif. On avait passé Only You and You Alone de Ringo Starr. Et justement, c'est ça le principe de la cover. C'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou en carrière séparée. Et même si eux-mêmes faisaient la reprise de quelqu'un, c'est le cas sur cette chanson-là, puisque Only You and You Alone, c'est Ringo dans sa carrière solo. Et en plus, lui qui faisait la reprise des Platters. Voici les Platters. Les Platters qui sont cette chanson-là, ce soir j'ai du mal, est extraite de l'album Only You, sorti en 1959. Voici la version excellente de Only You, mais qui n'a rien à voir avec celle de Ringo Starr, ici est pris différemment. Et quand on fait des covers, moi j'aime bien qu'on les fasse soit exactement pareil, soit qu'on change complètement, mais que ça passe bien, que ce soit bien. Eh oui, ça dépend aussi si l'original est fabuleux, chef-d'œuvre, et de ça. Ceci dit, Only You, c'est très bien. Serré, serré, slow time. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Chanson est une chanson ressemblant à ou un des fils des protagonistes que nous avons l'habitude d'entendre le mercredi soir, donc de John, de Paul, de Ringo ou de George qui chante. Et là, c'est Julian Lennon qui, en 1986, sur le musical Time, nous chantait Because. Rien à voir avec la chanson de 1969. Là, c'est Because. Le seul point commun, c'est le titre. C'est tout. Ça ressemble drôlement à du John Lennon de 1980, drôlement. It's right that I should care about you. Try to make you happy when you're blue. It's right. Because I love you. Chanson rare de Paul McCartney, extrait du film, enfin la bande originale du film Heaven Can Wait en 1978. Did We Meet Somewhere Before, qu'on peut traduire par Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part avant ? Ben peut-être qu'on s'est rencontré au Twist and Crepe où on mange de superbes galettes. Si vous êtes en train de le faire, au son des Beatles, au son de la saga des Fab Four, et ben bon appétit, bonjour à toute l'équipe, au patron Diane et Fabrice, parce que franchement, c'est un endroit qu'il faut aller voir et moi j'y serai demain soir parce que malheureusement cet établissement va fermer Et ça, c'est très, très, très triste. Et ça, c'est Ringo Starr, extrait de son dernier album Crooked Boy, paru en 2024. Voici February Sky. Hit the sounds of devastation. Rumble through my REMs. It made its way into my veins. Hard to say what happens next. Gonna stand up, rise above the rain. Start a revolution in these arcades. Buying the missing pieces. À l'album de la semaine pour la combientième fois? Eh bien, il y a eu She's My Baby, Where Were You Last Night, You Took My Breath Away, Inside Out. Voici Wilbury Twist, extrait de Traveling Wilbury, volume 3, sorti en 1990. Allez, on s'agite du croupion, comme on dit l'été quelquefois. Jack, howl at the moon, Et je vous propose de continuer la saga. Oui, j'ai eu une petite seconde de retard, le temps que j'attrape mon casque qui n'était pas loin. J'étais en train de répondre sur Internet. Je vous propose Paul McCartney sur un album que vous connaissez en 1999, l'album Run Devil Run, et ce slow, encore une fois, Brown Eye. Non, c'est pas là, c'est pas encore. Pour l'instant, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans mes... Ah oui, d'accord, j'ai oublié un titre. Bon, bah alors, je vous le proposerai après. Pour l'instant, c'est Feeling the Sunlight avec Paul McCartney. Donc, je retombe un petit peu sur mes pieds. C'est encore du Ringo Starr. It's me. I'm checking around. Trying to make sure everybody's safe and sound. Feeling okay. Doing all right. Sharing the love and feeling the sunlight in the air. Sunlight everywhere. Sometimes it's good to admit that you just don't care. Hey you, come out of the rain. Dry yourself off and remember, don't complain. Cause everything's good. And everything's right. Sharing the love and feeling the sunlight in the air. Sunlight everywhere. Sometimes you got to admit that you just don't care. Everybody's having fun, feeling okay, doing all right, sharing the love, and feeling the sunlight in the air, sunlight everywhere. Sometimes it's good to admit that you just don't care. I'm feeling the sunlight. C'était sur le EP précédent en 2023, Rewind Forward, encore une fantaisie de Ringo Starr. Donc on met en marche arrière, mais on va en marche avant, allez comprendre. Et le titre dont je vous parlais il y a quelques secondes était marqué sur ma playlist, mais il n'est pas apparu sur le logiciel que j'utilise pour pouvoir passer les disques. Il s'agit donc, extrait de l'album Run Devil Run de Paul McCartney, Brown Eyed Handsome Man sur RIG. Pas du tout un slow. Brown eyed handsome man. Tatatin. Bien évidemment, dans un peu moins de 30 minutes, ce sera Eric et sa fabuleuse émission Johnny de A à Z. To lead a better life, I need my love to be here. Songs. Or should we do Hypocrites and write that bit? Do you know the other bits? My bits, I don't. Words are flowing like a rain. Sick and tired of rearing lines by seasick, narrow-minded shorts and hypocrite. All I want is the truth. We should change the air, tell me some truth. I've had enough of reading lines by self-sitting down hard-sided politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. Exciting as the other one. Bon, je vous avais averti hein, quand j'avais diffusé Give Me Some Truth il y a quelques temps sur. Non. On attend, je suis pas prêt. Bon, c'est la chanson suivante qui a démarré. Je vous avais dit donc, lors d'une dernière saga, que lorsqu'il avait fait Give Me Some Truth avec les Beatles, c'était au stade d'ébauche. Voici New Blue Moon, le dernier extrait de l'album de la semaine. And Bien du George Harrison. Dans quelques minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Mais auparavant, deux Beatles à la suite. Oui, deux Beatles, sinon rien. C'est normal sur RG. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy. Possessing and caressing me. les chansons ne vont pas chercher très loin. Tu dis oui, je dis non. Tu dis au revoir, je dis bonjour. I say hello, hello. que je voulais pas proposer ce titre-là. Station 2 d'abord, et puis Hunt You Down, Naked et Sea Link, Paul McCartney, extrait de son masterpiece Egypt Station en 2018. Et on se termine, façon de parler, on termine l'émission avec What's My Name, Ringo. C'était encore une trentaine de secondes, mais parce que l'heure n'attend pas, et surtout, non seulement l'heure n'attend pas, mais Eric doit faire son émission, et à l'heure de 22h02, comme d'habitude. Allez, ce sera peut-être 3. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne soirée, je sais qu'elle va être bonne avec Eric, et à très bientôt. Salut. Et n'oubliez pas d'aller manger au Piston Crêpe à Talence, tant qu'il est encore ouvert.